Moussa est décidé, il veut rejoindre l'Occident. Certains d'y trouver du travail et de l'argent. Dans son pays natal, il se sent bien, mais il ne peut assurer l'avenir des siens. Prêt à tout pour s'en sortir, Moussa se prépare pour un long voyage, nourri par l'espoir. Des milliers de kilomètres le séparent de sa destination. Son but est la France, berceau de ses illusions. C'est parti Moussa, quitte son village avec le rêve d'une autre vie comme seul bagage. Moussa est-il conscient du parcours qui se dresse devant lui? Car les obstacles sont nombreux pour rejoindre Paris. L'épreuve est difficile, mais la récompense le fait rêver. Quitter sa famille n'est pas facile, mais il fait tout ça pour les aider. Alors Moussa prendra tous les risques, quitte à y laisser la vie. Son courage est immense, la flamme brûle au fond de lui. Contraint à l'exil, pour trouver de quoi vivre, espérant trouver l'asile, ou du moins de quoi survivre. Héros de sa famille, sur Moussa repose l'espoir d'un avenir meilleur. Pour Moussa, c'est un devoir. Contraint à l'exil, pour trouver de quoi vivre, espérant trouver l'asile, ou du moins de quoi survivre. Héros de sa famille, sur Moussa repose l'espoir d'un avenir meilleur. Pour Moussa, c'est un devoir. L'Afrique, Moussa rejoint Melilla. Il est temps d'affronter l'océan pour rejoindre Malaga. Moussa le sait, la chance pourrait ne pas le choisir, car son envie ne suffit pas dans ce bateau pour l'avenir. Alors que Moussa voit la côte, la barque se renverse. Et pourtant Moussa tient bon, malgré la peur qui le traverse. Nageant comme il le peut, le cœur rempli de courage, Moussa redouble d'efforts pour atteindre le rivage. Mais la terre ferme n'est pas synonyme de tranquillité. Désormais Moussa doit craindre cette police tant redoutée. Alors Moussa court pour disparaître dans la nuit. Il doit trouver sans attendre le moyen de quitter l'Andalousie. La route est encore longue, mais Paris se rapproche. Alors malgré la fatigue et la faim, le jeune homme s'accroche. À la première occasion, Moussa saisit sa chance. À l'arrière de ce camion, le voilà en route pour la France. Contraint à l'exil, pour trouver de quoi vivre, espérant trouver l'asile, ou du moins de quoi survivre. Héros de sa famille, sur Moussa repose l'espoir d'un avenir meilleur. Pour Moussa, c'est un devoir. Contraint à l'exil, pour trouver de quoi vivre, espérant trouver l'asile,